Ce Noël, offrez un cadeau qui fera fondre les cœurs. Le Taser Mastercraps. Le Taser Mastercraps est l'outil idéal pour faire cuire le porc. Oh, il était pas encore mort! Partir le char. Oh, moi qui n'avais plus de câble à booster. Endormir le bébé. Hey, ça va bien mieux que le poivre de Cayenne, hein? Check les dormir. Ou même ressusciter grand-maman. Qu'est-ce que tu veux dire, Fernand Gignac est mort? Le Taser Mastercraps mettra de l'action dans vos échanges de cadeaux. OK, essaye de deviner ton cadeau. Mais mets ta main dans la boîte sans regarder c'est quoi. Oh! Fais rire les enfants dans les cours d'école. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Le Taser Mastercraps est idéal pour mettre de l'action dans vos soirées entre amis. Ah, t'as échappé ta viande dans le bol à fondu. Faut que tu te fasses taiser par ton voisin de gauche. Un, deux, trois. Aïe, aïe! Ah, un petit peu plus à gauche. Ah oui. Oui, enfin disponible en magasin. Le Taser Mastercraps. Un cadeau électrisant pour tous ceux que vous aimez et ceux que vous aimez pas et tout. Le Taser Mastercraps se recharge dans toutes les bonnes centrales hydroélectriques. Pacemaker non inclus. Excusez-moi, monsieur l'agent, là, c'est parce que vous êtes en train de m'écrire une contravention, puis là, ben, c'est parce qu'il me reste 5 minutes à mon parcomètre. Ouais, mais vous avez pas remarqué que vous avez écrasé le vélo d'une petite fille en faisant votre parking en parallèle tantôt? OK, mais là, c'est pas grave, ça. Ah non? Vous avez pas remarqué que la petite fille est encore sur son vélo? Oups. Bon, cette fois-ci, je vais passer l'éponge, mais essayez d'arrêter de tuer des petites filles, OK? Évitez ce genre de situation trop fréquente grâce à la caméra de recul de Mastercraps. Idéal pour toutes les soccer moms qui ont besoin d'un Hummer pour charrier leurs enfants. La caméra de recul Mastercraps vous permet de bien voir ce qui se passe à l'arrière de votre véhicule grâce à son écran géant 53 pouces que vous installerez sur le tableau de bord en plein dans votre champ de vision. Ainsi, vous voyez tout en arrière et rien en avant. La caméra de recul de Mastercraps. Permis de conduire non inclus.